Antoine. Le programme du jour, donc les installations sonores sont visitables encore aujourd'hui à partir de midi jusqu'à minuit, c'est noté, mais il me semble que ce ne sera pas aussi long que ça. Donc les installations de Suzanne Boulet, Las Choulas, Matteo Luti et Benoît Renaudin. Ensuite, la librairie sera aussi ouverte, vous pourrez découvrir un florilège de livres sur la musique contemporaine et des sujets adjacents avec Vincent de Roguin qui se fera un plaisir de vous conseiller. Et à ce propos, le livre que j'avais déposé hier sur la table a disparu. Je suis vraiment ravi que quelqu'un se charge de le lire à ma place. Toujours dans le champ des présences, il y a Mélia Roger qui sera présente de 14h à 18h dans la chambre des Lattes, qui parlera d'écoute tentaculaire, de field recording et de questionnement écologique autour de sa pratique d'enregistrement de terrain. Et elle proposera une petite librairie, de la documentation, des échanges et autour des questions du sandwalk aussi. De 14h à 14h30, il y aura un premier concert du trio Balenae autour de l'œuvre de Georges Crumb, Vox Balenae, pour flûte, violoncelle et piano. Ce sera dans la salle de jeu de 14h à 14h30, puis ensuite de 16h30 à 17h, donc deuxième concert, c'est un concert estampillé famille. Un concert électroacoustique s'intercalera entre ces deux séances, de 15h à 16h30 dans l'Acousmonium de la Meg, et puis on pourra découvrir des pièces de Nicole Lacharte, André Almuro, Toshiya Tsunoda et Juan Sorrentino. Ensuite, Arturas Boumsteinas proposera un concert performance dans la grande salle de 17h30 à 18h15 et ça s'appelle Navigation pour machine à bruit du théâtre baroque. C'est une première suisse qui sera suivie de 19h à 19h30 par un concert dans les escaliers avec Stéphanie Erny et Marianne Choupé qui interpréteront deux pièces. Une pièce de Marianne Choupé qui s'intitule Entre voix 1 et puis une pièce classique de Hildegard von Bingen. Enfin, le concert Dispare qui a été annulé sera remplacé par un concert de 19h30 à 20h15 de L'Oriole avec Clara Lévy et Stéphane Clore qu'on a pu entendre au micro de Marie-Lou. Et enfin, il y aura l'after party à la Cave 12 qui sera gérée par Victoria Chen qui deviendra DJ. Mais avant ça, de 12h30 à 13h15, le concert qui va arriver tout de suite, c'est le concert de Sholto Dobby qui aura lieu dans le foyer du premier. C'est un concert de solo de lutherie DIY et c'est aussi une première suisse. Et voilà, le temps qu'on finisse de s'installer, ben je vous dis au revoir. Si vous avez aimé ces émissions, sachez que vous pouvez les réécouter sur le site d'Archipel. Si vous ne les avez pas aimées, c'est sans doute qu'il vous faut un peu plus de temps pour les apprécier, donc vous pouvez les réécouter sur le site d'Archipel, dans les archives. Voilà. Aimer, ça prend du temps. Le temps, c'est de l'amour. C'est Pascal Obispo qui le dit. Oui. Et l'amour, c'est du temps. Et le temps, c'est du temps. Et l'amour, ça peut être de l'amour. Ouais, pas toujours. Pas toujours. Ça peut être du vent aussi. Ça peut être un gros vent. Voilà.